Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches sur Radio Fadjet de 11h à midi. Eh bien, c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver, les amis. Aujourd'hui, on va ouvrir l'émission avec un peu de Mendelssohn, Félix Mendelssohn Bartholdy. Ah oui, c'était converti au protestantisme, famille israélite. Et on va écouter l'une des œuvres les plus connues de Mendelssohn, sa quatrième symphonie, symphonie italienne. Il l'a composée en 1830-1831. Alors qu'il venait de visiter l'Italie, il avait été ébloui par, évidemment, les vestiges antiques, et puis la convivialité, la jovialité des habitants, et tout ça, ça transparaît dans sa symphonie. Mendelssohn fut vraiment un génie précoce, et dans le milieu musical, comme ailleurs d'ailleurs, il y a parfois la dent dure, les gens ont parfois la dent dure. Ainsi, le chef d'orchestre et pianiste Hans von Bülow, qui était le gendre de Franz Liszt, eh bien, disait de Mendelssohn qu'il avait commencé en tant que génie et qu'il avait fini avec du talent. Alors, c'était sévère, mais c'était pour souligner que finalement, eh bien, Mendelssohn n'avait guère évolué sur son style musical entre ses débuts, ses premières compositions et ses dernières. Voici le final saltarello de la quatrième symphonie italienne de Mendelssohn, version que j'aime beaucoup avec l'orchestre symphonique de Bamberg que dirige Klaus-Peter Flohr. Thank you. magnifique symphonie italienne de Mendelssohn, la quatrième, avec l'orchestre symphonique de Bamberg, direction Klaus-Peter Flohr. C'est une excellente version, je trouve. Hein. Et puis, justement, c'est un enregistrement qui a été souvent réédité dans diverses collections. C'est un enregistrement RCA. On continue avec un peu de musique baroque, Purcell, et donc sa musique de théâtre, Abdelazer. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant, peut-être, vous allez reconnaître le thème qui va suivre, la musique qui va suivre. Purcell, il est né en 1659, il est mort en 1695, principal compositeur anglais, enfin sur le territoire britannique avant l'arrivée de Handel. Il avait commencé la musique, il était issu d'un milieu musical déjà, et puis il avait commencé sa musique en tant qu'organiste, copiste, etc. Et évidemment, l'un des compositeurs les plus importants de cette époque, pas seulement sur le monde britannique. Et ce qu'on va écouter, ça a été repris, ce thème qui est très très beau, a été repris par deux siècles plus tard, par Benjamin Britten, même trois siècles plus tard, qui a composé des variations sur un thème de Purcell, ou présentation de l'orchestre au jeune public, parce qu'à travers ce thème de Purcell qu'il va développer en thème et variation, Britten présente tous les instruments de l'orchestre, du piccolo jusqu'à la grosse caisse. Voici ce thème très célèbre d'Abdelazer d'Henry Purcell. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont reconnu ce thème de Purcell qui a servi d'ailleurs de générique à une émission de radio il y a quelques années, même pas mal d'années. Hein. C'était l'interprétation de l'Academy of St. Martin in the... Non, pardon. De l'Academy of Ancient Music, dirigée par Christopher Hogwood. Un peu de piano maintenant ? Bah oui, avec Rachmaninoff. Rachmaninoff et ses moments musicaux, opus 16 des pièces de jeunesse, un recueil destiné à, comment dire, à se faire connaître, parce que ce sont des pièces effectivement très difficiles pour les pianistes, mais qui tout de suite éblouissent les auditeurs. Et moments musicaux, évidemment, on pense à Schubert, la référence est nette, même si pour certaines pièces qui peuvent s'écouter indépendamment du cycle, d'ailleurs, toutes, hein, eh bien, on pense plutôt au style de Chopin qui intéressait beaucoup et qui passionnait vraiment Rachmaninoff dans ses débuts. On va écouter l'un de ses moments musicaux, le quatrième, qui est joué par Idil Biret. Thank you. magnifique interprétation du quatrième moment musical de Rachmaninov, joué par Idil Biret, une version que j'adore, qui date de 1989. Et on continue avec Beethoven et sa septième symphonie. Alors là, c'est l'une des œuvres les plus jouées au monde, certainement. Enfin, toutes les symphonies de Beethoven sont jouées sur l'ensemble de la planète très régulièrement. Et cette septième de Beethoven, elle a souvent été, surnommée par Richard Wagner, apothéose de la danse pour son côté très rythmique. Elle date de 1812 et évidemment c'est une œuvre qui a été énormément enregistrée, mais il y a quand même quelques versions qui dominent, qui sont au-dessus du panier, comme on dit, notamment celle de Carlos Kleiber, fameux chef d'orchestre qui était le fils d'Eric Kleiber, lui-même très très grand chef d'orchestre. Et dans les années 70, Carlos Kleiber a enregistré une version absolument incontournable des symphonies de certaines symphonies de Beethoven, pas toutes, notamment la cinquième et la septième. Donc on va écouter un peu de son enregistrement de cette septième symphonie de Beethoven qui a été gravée en 1976. Thank you. Conclusion de la 7e symphonie de Beethoven, opus 92, avec l'orchestre philharmonique de Vienne, direction Carlos Kleiber. Alors ça, c'est indémodable, intemporel. Hein. Et on continue notre émission classique sur Radio Fajet, comme tous les samedis et dimanches de 11h à midi, avec Galuppi, Baldassare Galuppi. Ah bah évidemment, il est quand même moins connu que Beethoven, lui. Hein. Il est né en 1706, il est mort en 1785. L'un des principaux compositeurs vénitiens, hein, et de son temps, il était plus connu et mieux payé que Vivaldi. On l'appelait il Buranello, et ce compositeur, lui, contrairement à Vivaldi, qui est peu sorti de Venise, à l'exception de l'extrême fin de sa vie, où il est parti mourir à Vienne, eh bien, Galuppi s'est produit un peu partout en Europe, et notamment à Saint-Pétersbourg, où il avait été appelé par la reine Catherine II, il avait quand même obligation, par rapport à ses maîtres de Venise, de composer quelques œuvres sacrées par an, et on lui gardait ses émoluments, bien évidemment, il pouvait revenir quand il voulait, ce qu'il a fait d'ailleurs, il est reparti à Venise. Alors donc un compositeur majeur de cette époque, très admiré d'ailleurs, même Jean-Jacques Rousseau connaissait les partitions de Galuppi et les admirait beaucoup. On va écouter une pièce sacrée justement de Galuppi, son Nisi Dominus, le début, chanté par le chœur Verein de Dresde, l'orchestre, c'est le concert instrumental de Dresde, tous dirigés par Peter Kopp. Le début du Nisi Dominus de Baldassare Galuppi, avec le chœur Singkornerchœur de Dresde, et puis l'orchestre, c'était le concert instrumental de Dresde, tous dirigés par Peter Kopp. Un disque qui vient de sortir maintenant chez Alpha Classics, un double compact qui nous propose les premières symphonies de grands compositeurs, donc des coups d'essai, mais finalement, à part la symphonie de Bizet qui figure sur l'album qui est très connu, les deux autres symphonies, celle de Gounod, la première, et celle de Saint-Saëns, qui n'est même pas répertoriée dans son catalogue, eh bien, sont des œuvres qui finalement sont assez méconnues, hein, il faut le dire. Alors, c'est enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, excellent orchestre, dirigé par Kazuki Yamada. Et on va écouter un petit peu de la symphonie de Charles Gounod, qui est surtout connu comme un compositeur d'opéra. Il est né en 1818, il est mort en 1893, et sa symphonie, il l'a composée à la suite d'un échec, parce qu'il avait composé un opéra qui s'appelle « La nonne sanglante », et après 11 représentations et malgré des recettes tout à fait acceptables, le nouvel administrateur de l'opéra décide qu'on va retirer cet opéra et qu'on n'entendra plus parler de Gounod. Alors, pour se consoler, il écrit une symphonie pour la Société des jeunes artistes qui venait d'être fondée par Jules Padeloup, qui devait d'ailleurs ensuite créer un orchestre qui porte son nom. Et oui, parce que ce milieu du 19e siècle français, c'est l'époque où apparaissent des sociétés de concert, les grands orchestres qui vont devenir par la suite les grands orchestres français. Mais il y a les concerts Lamoureux et les concerts Padeloup, notamment, et les concerts Colonne. Et tout cela, c'est la suite de la Société des concerts du Conservatoire qui avait créé, par exemple, les symphonies de Beethoven sous la direction de François Benec quelques années auparavant. Et donc, la musique symphonique en France se met en place. Donc, évidemment, les compositeurs ont envie d'écrire des symphonies. On va écouter le scherzo de la symphonie numéro 1 en ré majeur de Charles Gounod avec cet enregistrement qui vient de paraître, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Kazuki Yamada. Thank you. beaucoup d'inventivité et de fraîcheur même dans cette symphonie de Charles Gounod, sa première symphonie, composée à la même époque à peu près que celle de Bizet. Je dis ça parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de ressemblances. Et justement, les deux symphonies sont réunies donc dans cet album publié par Alpha avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Kazuki Yamada. Et à l'époque de Gounod vivait l'un de ses principaux contemporains dans le domaine de la musique, c'est Rossini, qui vivait à Paris d'ailleurs, et Rossini qui avait arrêté de composer assez tôt, mais il va composer aussi quelques pièces par la suite, à plus d'opéra à partir de Guillaume Tell, après Guillaume Tell, donc des années à la fin des années 1820. Il lui restait quand même pas mal d'années à vivre, mais parfois il s'est compromis dans des péchés de vieillesse, comme il disait. Les soirées musicales sont absolument merveilleuses, ce sont des pièces destinées à être chantées, mais qui ont été aussi orchestrées. On va en écouter une, la plus célèbre, hein, qui est basée sur un thème de tarentelle, danse italienne. C'est la danza, vous allez reconnaître, et c'est chanté par Rolando Villasone. Si salterà, migliore bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, migliore bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, presto in danza, tondo a tondo, donne mie, venite qua, un garzon bello ed ocondo a ciascuna toccherà, finché il ciel brilla una stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà, frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, mamma mia, si salterà. Frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, mamma mia, si salterà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, ghiasso avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, ghiasso avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Ghiasso avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va quella, colla rossa va seconda, colla smorta fermo sta. Vive il ballo tondo, tondo, suona un re, suona un bacià, è il più bel piacere del mondo, la più cara voluta. Mamma mia, già la luna è mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, mamma mia, si salterà. Frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, mamma mia, si salterà. La la la la. Ah, merveilleux, hein, Rolando Villasone, toujours excellent, dans la danza de Rossini avec l'orchestre du Mai musical florentin dirigé par Marco Armiliato. Bah oui, on pense au cornio, hein, évidemment, parce que cette musique est utilisée dans ce film de Gérard Houry, comme quand on entend la marche hongroise de la Damnation de Faust de Berlioz, on pense immédiatement à la Grande Vadrouille. Bah oui, bon, en tout cas, c'est une belle interprétation. On reste dans le domaine du lyrique, là, c'est pas vraiment du lyrique, mais enfin, Rossini, évidemment, ça évoque ce genre. Et voici Le vaisseau fantôme de Richard Wagner, opéra en trois actes de 1843. C'est considéré comme le premier grand chef-d'œuvre de Richard Wagner. même si moi j'aime beaucoup Rienzi qui est antérieur, et c'est la première fois qu'il fait appel à la technique du leitmotiv, c'est-à-dire des motifs musicaux, des cellules musicales qui évoquent tel personnage ou tel moment, et qui vont revenir tout au long de l'œuvre. Alors c'est l'histoire d'une terrible malédiction qui a jeté le capitaine hollandais, un capitaine hollandais, dans une tempête. Il est condamné à errer parce que dans une tempête, il avait défié Dieu pour s'en sortir, et il doit revenir tous les 7 ans pour retrouver une femme qui va, par son amour, en quelque sorte, cautionner à jamais sa rédemption auprès de Dieu. Bon, voilà. Donc, une œuvre absolument essentielle pour Richard Wagner, et on va l'écouter l'un des moments les plus forts, je trouve, de cet opéra, c'est le chœur des fileuses. On va l'écouter avec le chœur de la radio de Budapest, l'orchestre symphonique de la radio autrichienne, tous dirigés par Pinchas Steinberg. Thank you. Un petit extrait du Vaisseau fantôme de Richard Wagner, le Chœur des fileuses, avec l'Orchestre symphonique de la radio autrichienne, le Budapest Radio Chorus, le chœur de la radio de Budapest, dirigé par Pinchas Steinberg. Un contemporain de Mozart maintenant, c'est John Giovanni, j'arriverai, Battista Viotti, né en 1755 et mort en 1824, qui est un petit peu l'ancêtre de Paganini parce qu'il a fait évoluer la technique du violon. Et en plus, il n'a quasiment composé que pour son instrument, le violon. Lui aussi a bourlingué un peu à travers l'Europe, il a été connu un peu partout. Et il a composé quand même une bonne vingtaine de concertos pour violon. Alors ce qu'on va écouter, c'est pas une des pages les plus célèbres de Viotti, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est une pièce qui s'intitule « Méditation et prière pour violon et orchestre ». On va l'écouter avec le violon de Guido Rimonda, qui dirige le Camerata Ducale. Thank you. je pense que ça devrait devenir un tube, ça, si on l'écoutait souvent, cette musique de Viotti, Giovanni Battista Viotti, Méditation et prière. Je trouve ça superbe, un thème très mélancolique. C'était joué par le violon de Guido Rimonda et l'ensemble Camerata Ducale. On continue avec un peu de piano, celui de Debussy, la suite Bergamasque. Alors Bergamasque, peut-être que ça fait allusion à la ville de Bergame en Italie, mais au poème d'un un poème de Verlaine. En tout cas, bon, c'est vrai que Debussy aimait beaucoup jouer sur la consonance des mots, hein, masque, bergamasque. Et c'est un recueil qui date des années 1890, mais qu'il va publier bien plus tard. On va écouter un peu de cette suite bergamasque. Alors, il y a le clair de lune, hein, qui est très très célèbre, souvent utilisé d'ailleurs au cinéma. Et puis, il y a le passe-pied qui conclut le recueil. Moi, j'adore. Alors, voici ce passe-pied de la suite bergamasque de Debussy, joué par Jean-Yves Thibaudet. Il ne faut pas oublier les petites notes à la fin. Hein. C'était le passe-pied de la suite Bergamasque de Claude Debussy, interprété par Jean-Yves Thibaudet, extrait de son intégrale parue il y a déjà de nombreuses années chez Decca, mais vraiment une intégrale incontournable si on aime Debussy. Et on va terminer l'émission avec un peu de Jean-Sébastien Bach, une nouveauté qui paraît sous le label Arcana, avec l'intégrale des sonates pour violon et clavecin de Bach, avec Ilia Gringolt au violon. et Francesco Corti au clavecin, ben je vous propose un extrait de la 4e sonate de Jean-Sébastien Bach, BWV 1017, par ses interprètes. Un extrait de la sonate pour violon et clavecin BWV 1017 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Ilya Gringolt au violon, Francesco Corti au clavecin. C'est un disque qui vient de paraître sous le label Arcana. Ben voilà, c'est terminé pour ce matin. Donc, eh bien, on se retrouve demain, comme vous le savez, puisque notre émission est diffusée le samedi et le dimanche sur Radio Fadjet de 11h à midi. Donc, on se retrouve demain à 11h. Bon samedi à toutes et à tous, et à demain.